Cinquième partie, chapitre 14. De l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie. Chapitre 14. Cinquième considération, c'est l'amour éternel de Dieu pour nous. Considérez l'amour éternel que Dieu a eu pour nous. Avant l'incarnation et la mort de Jésus-Christ, sa divine majesté vous aimait infiniment et vous prédestinait à son amour. Mais quand commença-t-il à vous aimer? Il commença quand il commença d'être Dieu. Et quand commence-t-il d'être Dieu? Jamais. Car il a toujours été sans commencement et sans fin. Et son amour, qui n'a jamais eu de commencement pour vous, vous a préparé de toute éternité les grâces et les faveurs qu'il vous a faites. Il est dit pour nous tous par le prophète Jérémie, « Je t'ai aimé d'une charité perpétuelle, et je t'ai attiré miséricordieusement à moi. Il parle à vous aussi bien qu'à tout autre. Vous devez donc à son amour les bonnes résolutions que vous avez faites. Ô Dieu, quelle résolution donc que celle-ci que Dieu a eue présente à sa divine sagesse et à sa bonté dès son éternité. Combien nous doivent-elles être chères et précieuses? Que ne devrions-nous pas souffrir plutôt que d'en rien perdre, quand même tout le monde devrait périr? Car tout le monde ensemble ne vaut pas une âme, et une âme ne vaut rien sans ces saintes résolutions. Fin du chapitre 14, cinquième partie.